Dis-moi, Benoît t'a parlé ? Benoît ? Tu plaisantes, il fait même pas attention à moi. Mais Louise, excuse-moi, mais Benoît tient à toi, c'est moi qui te le dis. Tout le monde le sait sauf toi et lui. Je t'assure qu'il ne s'intéresse pas à moi. Ah bon ? Et toi, tu t'intéresses à lui ? Ah oui, je pense beaucoup à lui, j'aime bien être avec lui. Et alors, où est le problème ? Tu as peur de lui ? Mais non, mais c'est difficile, je ne vais pas lui courir après. Quand nous sommes dans un groupe d'amis, il s'adresse à tout le monde sauf à moi. C'est toujours moi qui essaye de lui parler et lui, il tourne la tête. Mais justement, c'est un signe. Il aimerait bien parler avec toi, mais comme il est aussi timide que toi, il n'ose pas. Je crois que Philippe et moi, nous allons nous occuper de vous deux parce que sinon, il ne se passera rien. Et dire que nous sommes au 21e siècle... On peut être timide au 21e siècle.